ma Ferrer, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Les cons qu'il y a là, c'est con, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Salut les filles. Salut. Alors j'ai bien aimé Fred, j'ai adoré parce que Fred dans la même seconde il peut te dire qu'il trouve scandaleux qu'on traite un joueur noir de singe et après il traite Julio Baptista de bête. Donc ça j'aime beaucoup. c'est pas, tu vois, quand même, ça j'ai pas très bien compris le principe, mais bon, ça doit sûrement être sympa pour lui hein, de l'appeler la bête. Hein, il doit être très ravi. Arbeloa, mon petit Fredo, tu te rappelles qu'il avait dit que ça serait la guerre. Ouais. Il avait promis la guerre, donc c'était intelligent. Il était assez malin comme garçon. C'est vrai que nous avant le Real c'était les Galactiques. Mais Mourinho l'a transformé en Star Wars. Tu vois, lui c'est un peu Dark Vador, ouais, si tu veux. Elle est pas mal. C'est vrai que c'est un peu Dark Vador. Il avait perdu la guerre des étoiles 5-0. Il a fait l'Empire contre-attaque en Coupe du Roi, mais après il s'est pris l'entrée du Jedi en pleine tronche. Et c'est là que ça fait mal. Donc si tu veux, c'est mignon. Hein, pour l'année prochaine, il lui faudrait Jabba le Hutt. Hein. Non, il joue à Barcelone, c'est Puyol. C'est Puyol? Non, Gignac, c'est quoi, là? Non, Gignac, c'est Jabba le Pizza Hut. C'est un autre, c'est pourri, ça. J'ai appris que la tumeur d'Abidal était du Bénin, donc elle est pas sélectionnable en équipe de France. C'est un peu con. En ce moment, ça nous arrange pas trop. On cherchait un rapport entre Ben Laden et le football. Et j'en ai trouvé un, Ben Laden avec le Barça. Dis-moi, Fred, toi qui es quelqu'un de culture, quelle est la date de la fête nationale de Catalogne? Eh ben c'est le 11 septembre, mon pote. Ah putain, c'est vrai. Et ouais. Non, c'est vrai, t'as raison. Eh ben voilà. T'imagines le mec, le 11 septembre, qui était catalan et al-qaïdiste. Alors là, lui, il était en folie, quoi. Alors là, c'était vraiment la fête pour lui. L'intégriste catalan, il était en folie. Oui. Une partie des attentats du 11 septembre ont été préparés à Gérone, en Catalogne. Ah. Non mais tout ça, non mais c'est con. C'est dans ce que tu dis. Ah non mais tu vois, quand tu réfléchis bien. Tu vois, je travaille mes dossiers, moi, t'as vu, hein. Ah, c'est fort. Eh ouais, moi, je m'intéresse pas qu'à deux clubs. Tu vois, genre, Barça Real. Mais j'ai remarqué que, les mecs qui critiquent le Real, c'est les mecs qui regardent que les Real Barça, finalement. Donc, ils s'intéressent que à ces deux clubs, en fait. Parce que s'ils regardent les autres matchs, ils peuvent pas. Polo, c'est vrai que Polo nous expliquait que certains, à Schalke, ont oublié un petit peu vite que l'histoire de l'Allemagne, c'est qu'on se bat jusqu'à la dernière minute. Et on ne lâche rien. On ne lâche rien dans son bunker. On s'accroche, même si c'est mort. Ça, faudrait quand même qu'il y en ait certains qui s'en rappellent. Il y a un respect de la tradition, monsieur. Eh ben oui, les chars russes, on s'en fout. On s'accroche. Messieurs les Farfan et autres, que je ne citerai pas. Rappelez-vous la semaine dernière. Tu as des problèmes, toi. Que je ne citerai pas parce que je connais pas les noms, hein, tout simplement. Tu as des soucis quand même. J'aurai des soucis. Mais j'en ai déjà tellement, mon pauvre ami. Je suis plus à ça après. Uchida, qui veut dire sorti, non, en italien. Ah ouais, voilà. C'est pas avec un D, c'est avec un T. Non, ouais, non, mais attends, c'est un à peu près, c'était pas un jeu de mots. Oh, ça va. Oh, Totti Daniel. Ah, mais il y a tellement de problèmes en ce moment. Jamais content, Totti Daniel. Totti Daniel. Oh là là là là là. C'est énorme, ça. Totti Daniel. Totti Daniel, elle est celle qui vive, là, elle est mauvaise, comme tout. Mais oui, que chaque mot en ce moment peut être sujet à interprétation. Mais t'inquiète pas, ça va être ton quart d'heure. Regarde, t'inquiète pas, ça va venir, ça va être ta fête, t'inquiète pas. Oui, donc, rappelez-vous, la semaine dernière, on cherchait une équipe avec un peu tous les blaireaux, tu sais, essayer de faire une équipe type de tous les blaireaux, tous ceux qui, les violents, les nerveux, les têtes de pioche et tout. Et j'ai fait une espèce de petite équipe. Alors, c'est vraiment, il y a les pires, hein. T'aurais Kevin Prince Boateng, Ibrahimovic, Cassano, Robinho, Van Bommel, Gattuso. Ça me dit quelque chose. Attends, je crois que ça existe, hein. Ouais, ah oui, c'est le Milan AC. Il y a un mec qui a mis devant moi, hein. Il y a un mec, et putain, et se dire qu'il n'y a plus Ronaldinho, t'imagines? Oh là là là là. Qui vient de gagner le titre en tant que capitaine de champion de l'état de Rio de Janeiro hier avec le Flamengo. Ouais, mais c'est dommage, je te rends compte qu'il aurait été beau dans cette équipe. Heureusement, l'an prochain, ils ont changé de puisqu'ils vont prendre qui? Tai Taiwo. Donc effectivement. Les mecs, quand tu déjà veux pas que la pelouse était pas en bon état, San Siro, mais alors là. Ah non, mais là, ça va être terrible. Non, mais ils ont prévu, les mecs, ils ont prévu les grillages ou pas derrière les buts? Non, parce que le mec qui a pas l'habitude, il va perdre un oeil, je te l'annonce. Hein. Non, parce qu'à Marseille, ils s'en foutent, ils ont des boucliers, des trucs, ils sont prêts, tu vois. Eux, ils veulent des stadiers, des CRS, mais pour se protéger de Taiwo. Donc, si tu veux, bon, bref. Le football, alors on a vu que le football, Gilbert nous annonçait un football gate. La différence, c'est football gate qui veut blanchir l'équipe de France, à ne pas confondre avec le Colgate qui veut blanchir les dents. Il n'a absolument rien à voir. Ça, c'était pour vraiment... Alors après, on a eu Sagnol, hein, Sagnol... je crois qu'il a Alzheimer, il a répété 27 fois la même phrase, donc il m'a un petit peu inquiété, Sagnol. On a parlé du DTN, le pauvre, hein, qui a été mis au placard, le pauvre DTN. Et blanc bleu qui n'est plus tout à fait blanc bleu, enfin bref, Et puis surtout le quota des bleus. Et je vais vous dire un truc. Moi, je trouve que cette polémique n'a pas lieu parce que j'en discutais avec Daniel, qui est d'accord avec moi. On regardait le dernier match de l'équipe de France et on trouve qu'il n'y a pas assez de blancs. Non, c'est vrai, Daniel. On se l'est dit. Non, c'est vrai. Arrête. On se l'est dit. Il n'y a pas assez de blancs. Il y a que du bleu. Ce maillot ne ressemble à rien. Il y a pas de blanc. Il y a même pas de rouge. Il y a un peu de blanc sur le short, mais franchement, le blanc n'est pas représenté dans le maillot de l'équipe de France. Faut être honnête. Moi, j'ai même croisé Jean-Michel Larquier. Il me disait que l'équipe de France, il n'y avait pas assez de vert. À part en étudier, il disait qu'à l'époque où il y avait des verts, là, ça jouait bien. Tu vois, et lui, il est pour un quota de verts. Bon, lui, prof, il sucre un peu les fraises. À mon avis, il se rend plus compte de ce que c'est le football aujourd'hui. Les verts, ça n'existe plus. Mais bon, il s'accroche. Non, le vrai problème, c'est qu'avec tout ce qu'ils prennent comme Dijon, s'ils étaient un petit peu moins noirs à la fin des discussions à la Fédé, il y aurait peut-être un petit peu moins de bordel. Non, en fait, le problème des quotas, c'est qu'il n'y a pas assez de Français de souche. Hein, c'est vrai qu'à l'époque où il y avait des vrais Français de souche, l'équipe de France jouait mieux. Rappelez-vous à l'époque des Zidane, des Thuram, des De Saïd, des non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pardon. Les années 80. Là, il y avait des vrais Français de souche. Gengini, Platini, Fernandez, Amoros. Ah non, ça, c'est des macaronis des Espingouins. Non, je comprends, mais non. Pardon. Non, ça y est, ça me revient. La vraie équipe où il y avait des vrais Français, c'était l'équipe des années 50 avec Coppa, Wieniawski, Sisowski, Sas. Oh merde, je sais même plus ce que c'est un Français. Moi, je suis perdu là. J'arrive même plus à... C'est quoi un Français, Daniel? Explique-moi, parce que là, je suis vraiment perdu. J'arrive plus à savoir. J'ai encore du temps. Je sais pas, je suis binational, je suis pas sélectionné. Non, le vrai problème, on sait très bien, c'est qu'on perd des joueurs. On perd des joueurs. Parce que, y a des joueurs, ils ont la double nationalité, et ils choisissent de se barrer à l'étranger. On est tous dégoûtés parce que Sami Traoré a choisi le Mali. Eh ben, disons-le! Eh ben oui! Et on n'est pas les seuls. Tu sais qu'on critique les Africains. Mais les Africains, ils ont le même problème. Tu sais que le Cameroun, eh ben, Apoula Edel, il est camerounais, et eh ben, il joue pour l'Arménie. T'imagines l'horreur pour ces mecs-là? T'imagines ce qu'ils vivent? Ce qu'ils ont perdu? Alors, je voudrais qu'on pense un peu aux Camerounais qui, à chaque fois, quand même, ils perdent une belle occasion de se marrer. Alors, vous avez parlé de OM Lyon, l'Olympico, on est revenu sur les noms. Alors, il y avait quoi? Qu'est-ce que tu proposais, Gilbert? Bah, il y avait, voilà, l'Alzaco pour Strasbourg-Mulhouse. Ouais, c'est pas mal. Bordeaux-Rennes, le Bruyco. Ah si, j'ai eu des propositions pour Auxerre-Dijon, l'Escargot. Pas mal, la Bourgogne. Ah, c'est pas mal, l'escargot, c'est pas mal. Et pour la finale de la coupe, le Cocorico. Bonjour. Ah, c'est mignon, mais c'est pas un derby. Sinon, moi j'avais pensé pour Bordeaux-Rennes, comme ils font que des nuls, j'avais pensé à l'Execo. Strasbourg-Sochaux, comme il fait super froid, j'avais pensé le Glasmico. Marseille-Arles-Avignon, le Jean-Pierre Foucault. Toulon-Toulouse, le Serge Blanco. Et Nancy-Auxerre, l'Algico. Parce que franchement, c'est quand même un peu pourri comme stade. Et éventuellement Rennes-Chelsea, le super Stocco, parce qu'il y a que des bourrins. L'OL, alors l'OL, j'ai remarqué un truc, c'est que l'ambiance, elle pue. La fin de saison, elle pue. L'équipe, elle pue. Et l'entraîneur, Puel. Tu vois, comme quoi, en fait, c'est QFD, fallait juste le mettre dans l'autre sens. Et on comprenait tout. Duchesse qui vient au PSG. Duchesse que Daniel appelle Douché, hein, sûrement un hommage à son homologue italien. C'était ton petit coteau italien. Pourquoi? Tu l'appelles le Douché, toi, Nicolas Duchesse, hein. T'as pas fait gaffe. Il dit le Douché, lui. Il dit Douché, il va venir à Paris. C'est son rêve, peut-être. Je sais pas. Douché, toi. Et quoi, c'est quoi, c'est Douchesse? Mais appelle-le le Douché, il n'y a aucun problème. Tranquille. J'ai même pas compris. Chanson! Ah déjà? Bah oui. Ah mince, putain, je voulais parler du RC Lens. Le RC Lens qui va descendre en Ligue 2 alors que Evian va monter. Tiens, l'équipe de Danone va croiser l'équipe de Gervais, il y aura pas le derby du yaourt. Non, je pensais qu'il allait faire un truc avec l'eau et attends, détends-toi parce que l'année prochaine. Le derby du yaourt. L'année prochaine, attends, l'année prochaine, tu sais que si le Havre monte, il y aura 20 derbies du beurre avec la Bretagne et le enfin bref, on va encore dire qu'il y a trop de beurre en championnat de France. Bon, je préfère pas en parler. Donc on va la nouvelle chanson, et j'ai le temps de la nouvelle chanson. Vas-y. De la commission de discipline. Vas-y. Bah, taï, taï, taï, oh, monte à Paris pour prendre 3 matchs de suspension. Voilà, normalement, ils vont lui chanter. Ça. C'est la nouvelle chanson, hein. Ils vont chanter à taï, taï, oh. Donc, j'ai combien de temps de chansons, là? Vas-y, les trois. Les trois. Allez. Alors, ok. Alors, on va commencer par une chanson sympa sur, c'est laquelle qui est prévue en premier? C'est une chanson d'auditeur, sur Étienne, une chanson sur Claude Puel. Oula. Attention. 3, 4. Oui. Oh. Claude Puel. On défend bien. Tes compos défensives. À Gerland qui s'enivre. Tu interdis des latéraux de monter. Et les milieux ne font que ratisser. Oh, Claude Puel. Oh, on défend bien. 4-5-1 à volant, avec tout l'allant, Chris remplaçant. Gomis est devant, Lisandro peut se rhabiller, il va jamais marquer. Aouh! Un coup de puel! Pas mal! Voilà, pas mal, pas mal. C'est un auditeur qui s'appelle Khalid Scorsese. Il est pas italien de père en fils. Bon, bref, alors. Non, je plaisante. Allez, enchaîne, enchaîne! Alors, ça y est, c'est... le CRIF vient de foutre le feu à RMC. Alors, attendez. Mon Dieu. Choisis, encore une. Une. Alors, j'en ai une sur Rio Mavuba, quand même, rend hommage à Rio Mavuba, qui est venu la semaine dernière. Allez, c'est parti. C'est pour toi, Rio. Allez, Rio Mavuba. Hey. Quand tu joues Lille, tu t'envoles le premier dribble, tacle de Rio. Rio Mavuba, Rin Ratisba. On dirait Makelele, mais sans son arthrite. Ni sa flébite. À Lille, les stars, l'équipe c'est la star. L'entraîneur c'est Daniel Guichard. Lui se marre, se fend la poire. Hasard c'est les Black Belges. De Mello c'est la grande asperge. Comme Rosenal. Wow, wow, fort petit vif. C'est un peu le négatif de Florent Balmont. Rio Mavuba. Quand c'est de là, au milieu fonce sur toi, prie pour qu'avec le ballon, ils embarquent ta chemise et pas ton talon. Bien, je suis perdu. Ah, c'est pas grave, c'était pour lui, c'était pour Rio, je la chanterai mieux la prochaine fois. Merci, bonsoir.